Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, en guise d'ouverture, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. En fait, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait ça. C'est-à-dire mettre une pièce d'un groupe des années 70, un groupe fondateur de la musique progressive, et j'ai nommé King Crimson. Le prétexte, c'est le lancement d'un disque hommage qui a pour titre Reimagining the Court of the Crimson King, qui doit paraître au mois d'avril, avec de nombreux musiciens invités, dont Arthur Brown. Il y a Mel Collins, qui a déjà joué au sein du groupe, tout comme Jaco Jacksic. On retrouve aussi Stevie Lage, et puis Paul Rudolph, le Hawkwind. Ce soir, on vous présente une version de The Court of the Crimson King avec James Labrie de Dream Theater, Carmine Appice de Cactus et Stevie Lage. Et puis Marc, après, ben, on passe à notre groupe multinational préféré. Oui, absolument. On parle ici de la formation de Samurai of Prague et on aura pour vous un extrait de l'excellent nouvel album A Quiet Town featuring Marco Grieco, qui est derrière toutes les compositions sur ce disque. On aura pour vous la pièce The Mayor. Ce sera suivi d'un nouvel extrait du nouvel album de Marcin Pajak, guitariste d'origine polonaise qui est installé maintenant à Londres, tiré de son nouvel album In the Space avec la pièce Gravity. On aura également un nouvel extrait de l'album One of the Many, le plus récent de l'artiste canadien Rick Miller, avec la pièce de Lost Years, et comme vous le disait Michel, on débute avec une pièce de King Crimson tirée d'un nouvel album qui a pour titre Reimagining the Court of the Crimson King. Are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The proper piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Thank you. whilst trampling on a flower. I chase the wind of a prism ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begins. As slowly turns the grinding wheel in the chord of the crimson. Doctor of sexual abuse. has a duty to set a good example. It must condemn any distortion of civil life. Bond, stray dogs, corrupt lawyers, vagrant artists, thieves and lawyers are the worst of humanity. And thanks to me and God, Lord, we don't have any time. We'll be right back. I'm Rick Miller, and I'm very proud to present a track from my new album, One of the Many. We'll be right back. drop out. For all sad words of tongue and pen, the saddest of these, it might have been. Thank you. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau pour notre second blog, mais on a un doublé avec RPVL, la formation allemande qui va nous visiter au mois de mai prochain dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Le groupe va se produire le 17 et le 18 mai à La Chapelle Spectacle et il y a encore des billets de disponibles pour le 18 mai. Et on va voir un extrait du plus récent album du groupe paru en 2023, le Crime Scene, c'est la pièce King of the World. Et puis de Beyond Man and Time paru en 2012, on aura la pièce The Ugliest Man in the World. Et puis Marc, pour faire suite, ben, on aura un groupe norvégien qu'on attend avec impatience. Oh oui, et on parle ici de la formation 35 Tapes. Qui ont réalisé 3 albums, dont leur plus récent The Fabric of Time est paru en 2023. Ils seront avec nous donc le 19 mai, c'est leur toute première visite en Amérique du Nord. Et pour vous ce soir, on aura une pièce de leur second album, Home, paru en 2021 avec la pièce Onward. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec un doublé de la formation allemande RPVL. Yeah. they can call their home. Watch them play tag, look how they fight, till they're tired and fall asleep, and the world can breathe again. Wouldn't it be nice if it was just like that? Thank you. skies. I don't want your help. I don't want your pity. I'm just a man. The next song from our second album, Home, is called Onward. It's a more traditional song with has interesting guitar tuning. It's the song we're starting our shows with. This song is an attempt to add a bit more power, at least in the opening riff. But in the middle part, there's a lot of mellotron here as well. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation allemande Crystal Palace. Ils ont débuté en 1991, avaient fait paraître un seul album dans les années 90 et en sont maintenant à 9 albums, dont leur plus récent, Still There, est paru en 2022. Ce soir, on aura pour vous un extrait de l'album The System of Heavens, qui était leur 6e, paru en 2013. On a choisi pour vous ce soir la pièce Beautiful Nightmare. On aura également un extrait du plus récent album de la formation italienne Aliante, tiré de Destinazioni Oblique, leur plus récent album, paru en 2022. C'était leur 3e en carrière. Il se présentait sous forme de trio pour les 2 premiers albums et sous forme de quatuor pour celui-ci. On aura pour vous la pièce I Pomeriggi di Armida. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation québécoise qu'on aura la chance de voir cette année au Festival Terra Incognita. Oui, il s'agit de Vector K qui va donner le coup d'envoi cette année, le 17 mai, tout juste avant le concert hommage de RPWL ou RPVL. Le groupe va profiter de ce concert pour présenter intégralement son 3e et plus récent album Stratigraphie, qui est paru en 2023, et on va écouter de cet album la pièce Flashback. Acétaminophène aux 4-6 heures.

Thank you. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation italienne Togs, qui n'ont fait paraître qu'un seul album en 2013, qui a pour titre Europa Minor, vraiment excellent. Dommage qu'il n'en ait réalisé qu'un. On aura pour vous la pièce La Brigata dei Dottori. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une formation mythique des années 2000 de la Suède qui en a surpris plus d'un l'automne dernier avec l'annonce d'un concert et, sait-on jamais, peut-être un nouvel album? Oui, tout à fait. On parle de Baird Fish, une formation qui, incidemment, nous a visités dans le cadre du festival Terra Incognita et ça a été un des grands moments de l'histoire du festival. Ce soir, on vous présente un extrait de l'album Mammouth, paru en 2011 et c'est le sixième album studio du groupe et c'est la pièce Akaka Botu. Thank you. Suonavamo piano lungo le arse strade sul fare del giorno. Come due buoni amici spartivamo i nostri ricordi. Ma tu mi dicevi: lascia il tuo fuoco, leggi i segni del cielo. Ed il mio volto in mille volti, le mie mani, mille mani si infransero. E tu, t'ho fabbricata di dottori e genti eminenti, dammi il segreto dell'uomo che è dentro di me. Quanti come me cercarono qui la propria immagine, specchiandosi superbi nelle acque del pozzo. Ma le loro mani, come le mie, tentarono di carpire il sogno. E i loro volti, mille volti, le loro mani, le mani si infransero. E tu, l'ho fabbricata di dottori e genti eminenti, dammi il segreto dell'uomo che è dentro di me. Pour conclure l'émission ce soir, on a choisi une autre formation suédoise qui a pour nom Simon Says. On va voir un extrait du dernier album du groupe qui est paru en 2008. Depuis, on est sans nouvelles et on espère toujours qu'un jour ce groupe va refaire surface. Et c'est la pièce Suddenly the Rain. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Terra Incognita avec deux bonnes heures de rock progressif. Et restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants. We'll be right back. messages you hide, and then you have to join the ride. Wait to the dream of a new world machine flashing on the screen. Feed energy to the machine, providing us with light to keep outside the night. The two hearts in their faces to our minds. Then suddenly the rain will wash away the stain that is burning in my hands. Now the day has come to be the time and place for me. Water stirred in the see.